Vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple et toujours sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous allons maintenant partir à la découverte des écosystèmes marins du Canada et plus particulièrement nous intéresser à leur préservation. Et pour cela, je reçois Jérôme Spaggiari qui est coordonnateur de la Société pour la Nature et les Parcs. Bonjour Jérôme. Bonjour Valérie. Alors d'abord j'aimerais que vous nous fassiez une présentation de cette Société pour la Nature et les Parcs. C'est ça, la Société pour la Nature et les Parcs du Canada, la SNAP, c'est une OSBL, un organisme sans but lucratif, qui travaille à la protection des écosystèmes naturels du Canada et du Québec, puisqu'on travaille ici depuis 10 ans, et on utilise principalement l'outil des aires protégées, pour protéger ces écosystèmes-là. On essaie de développer le réseau d'aires protégées au Canada et au Québec. Donc là, on parle de milieux naturels, quels qu'ils soient, c'est-à-dire montagnes, prairies, mers. Absolument. On travaille en milieu forestier, on travaille beaucoup sur la forêt boréale. On travaille en milieu marin et c'est pour ça que vous m'avez invité aujourd'hui. Et puis on travaille aussi en prairie dans les provinces plus centrales du Canada. Donc on couvre tous les écosystèmes du Canada. Donc justement, on en vient à parler à ces milieux marins. On se rend pas forcément compte, mais les côtes au Canada, c'est quand même plusieurs kilomètres. Absolument. Le Canada, contrairement à ce que peut-être on pourrait penser, c'est un pays marin. On a la plus longue côte de tous les pays de toute la planète. On a une ouverture sur trois océans, l'océan Atlantique à l'est, l'océan Pacifique à l'ouest et puis l'océan Arctique au nord. Donc c'est véritablement, on a le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent qui sont parmi les plus grands estuaires de la planète. Donc c'est véritablement un pays marin avec des enjeux de protection de ces milieux-là qui sont très importants. Et puis des écosystèmes très variés aussi, parce qu'entre la côte, j'imagine à Vancouver, dans l'archipel là-bas, puis le golfe et l'Arctique, c'est vraiment des milieux très très différents à conserver aussi. Absolument, si on parle de milieux marins, quand on est dans l'estuaire du golfe du Saint-Laurent, la salinité diminue, on est dans des situations très différentes de ce qui se passe dans l'Atlantique, où la salinité est plus importante, et puis par rapport à l'océan Arctique, qui est très nordique par rapport au sud du golfe du Saint-Laurent, là il y a énormément de différences. Et en termes d'air protégé, donc de ces milieux marins, comment se place le Canada? Est-ce qu'on a fait quelque chose? Le Canada se place assez mal en matière de protection de ces milieux marins. Actuellement, et déjà depuis une quinzaine d'années, il y a moins de 1% du territoire maritime du Canada qui est protégé. 1%, c'est dans la moyenne mondiale. Ceci étant dit, il y a quand même des pays, puis tant on aura l'occasion d'en reparler, qui sont capables de protéger 40%. Il y a des pays qui protègent presque 100% de leur territoire, mais là, c'est des petits états insulaires du Pacifique, donc c'est peut-être plus facile, et encore, ça représente des défis, mais des pays qui sont comparables au Canada, comme l'Australie, protègent presque 40% de leur territoire marin. Et est-ce qu'il y a une convention au niveau mondial? Parce que chaque des fois, on parle qu'il faut atteindre au niveau peut-être terrestre, je ne sais pas, 12% ou 15%, je ne sais pas, de la superficie, de protéger cette superficie. Mais au niveau des côtes, est-ce qu'il y a une convention? Il y a plusieurs conventions pour la protection des milieux marins. La plus pertinente, c'est la Convention sur la diversité biologique, dont le siège est d'ailleurs basé à Montréal. Et dans le cadre de cette convention-là, la dernière réunion qui a eu lieu à Nagoya, il y a 2 ans, a permis aux parties de cette convention-là de tomber d'accord sur le fait qu'il était nécessaire de protéger 10% de son territoire maritime d'ici 2020. D'accord. C'est un objectif donc qui a été signé, validé par le gouvernement du Canada. Et le Québec a même fait une offre supplémentaire puisqu'il s'est engagé à protéger 10% de son territoire maritime d'ici 2015. Donc il y a des gros défis sur la table. Donc c'est là que la SNAP est partie avec cette campagne d'un océan à l'autre pour motiver, encourager les gouvernements à faire leur part. C'est exactement ça. Le constat de la difficulté du Canada et des provinces à protéger leur milieu naturel nous a amené à réfléchir à ce qu'on pouvait faire nous comme organisation non gouvernementale. Et puis finalement on a proposé ce défi au Canada qui est de dire protégeons 12 sites marins exceptionnels qui sont avant la fin de 2012. Donc mm-hmm. ça, c'était une campagne de 18 mois. Ouais. Par des 12 sites, il y en a partout. Il y en a sur la côte ouest, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve et au Labrador, dans l'Arctique. Un exemple, par exemple, et de ces sites au Québec. Ouais. Donc, il y en a deux qui sont situés dans le golfe du Saint-Laurent. Il y a ce qu'on appelle le plateau des îles de la Madeleine. Donc là, c'est un grand espace qui couvre quasiment 20 000 km² centré autour des îles de la Madeleine. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un espace qui est beaucoup plus chaud parce que la profondeur est beaucoup restreinte sur ce plateau-là qu'ailleurs. Donc les eaux sont plus chaudes et donc ça crée un écosystème très unique qui mm-hmm. permet d'avoir des espèces qu'on trouve normalement beaucoup plus au sud dans la côte nord-américaine. Il y a aussi le haut fond du banc des Américains au large de la Gaspésie. Là encore, c'est un haut fond, donc c'est-à-dire c'est une zone de résurgence. Les eaux froides remontent mm-hmm. sur ce haut fond et puis elles rencontrent les courants moins salés qui descendent le long de la Gaspésie. Donc ça crée des perturbations mm-hmm. et les conditions favorables au démarrage de tout un tas de chaînes alimentaires. Mm-hmm. Et c'est pour ça que c'est important, parce qu'il y a énormément d'espèces qui viennent se nourrir, ça notamment des baleines aussi, là, qui viennent se nourrir sur ces phytoplanctons, zooplanctons. Et puis il y en a un autre, on n'y pense pas, mais le Québec a aussi une ouverture sur la baie James. Ah oui. Et donc il y a un projet là-bas qui s'appelle le site de Tawich, qui est porté par les communautés Cree, notamment la communauté mm-hmm. Cree de Wemindji, qui demande la protection de son territoire maritime, notamment pour contrer un possible développement minier ou pétrolier mm-hmm. dans la zone. Mm-hmm. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Donc là, bon, on a fait une petite visite rapide de ces sites, bon, avec une emphase particulière sur les sites... Sur les sites du Québec. Donc, les gouvernements ont été avisés de cette proposition des 12 sites. Et comment ils ont cheminé avec ça? Alors, c'est non seulement ils ont été avisés, mais en plus, c'est vraiment des sites sur lesquels ils travaillaient déjà. Donc, je dirais, on a presque pris 12 sites qui sont relativement faciles à travailler. Ils ont été avisés parce qu'on travaille quand même avec les gouvernements et leurs représentants. Et on a récemment, lundi dernier, on a publié donc un rapport final sur les progrès qui ont été faits par le Canada et les provinces, on va parler du Québec spécialement ici, en direction de la protection définitive et légale de ces sites. Ouais. Il se trouve que malheureusement, les progrès sont limités. Sur les 12 sites qu'on avait proposés, il n'y en a aucun qui a été formellement protégé. Mm-hmm. Et globalement, il y en a plus des deux tiers sur lesquels des progrès très limités ont été faits. Et au Québec, on est tout à fait dans cette moyenne-là, puisque le site de Tawich sur la baie James a pas ou peu vu de progrès. Le site du banc des Américains, après avoir été annoncé officiellement lors de la Journée mondiale des océans en 2011, a été présenté publiquement en début d'année 2012 et depuis le projet n'a pas du tout évolué. Et puis il y a le projet des îles de la Madeleine qui est, je dirais, un peu notre rayon de soleil, où là le Canada et le Québec collaborent à une étude scientifique qui permettra d'identifier si oui ou non on doit créer une aire marine protégée et si oui où, et ça se fait normalement en concertation avec les Madelinos. Donc C'est un peu notre lueur d'espoir dans le dossier marin. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mmh. Mais là, on peut quand même réfléchir un petit peu. Vous parliez du projet donc, de Tawich, là, pour contrer un petit peu le développement minier. Puis sachant aussi la volonté d'exploiter les hydrocarbures dans le Saint-Laurent, dans l'Arctique également, on peut se demander quelle est vraiment la volonté des gouvernements de protéger des aires marines sans faire entrave au développement de ces ressources-là. Et aussi, je me questionne aussi sur les coupes à Environnement Canada, à Pêche et Océan Canada. Comment tout ça est compatible avec une réelle volonté de protéger des aires marines? Bon, c'est certain que y a une interaction entre la nécessité de protéger puis celle de développer. Ceci étant dit, il y a de plus en plus, on est de plus en plus capable de développer des processus qui permettent véritablement de faire discuter les différentes parties, celles qui sont pour la conservation, celles qui sont pour le développement économique, puis même des développements économiques assez durs, comme le développement pétrolier, par exemple, et puis trouver un bon arrangement des projets de développement avec les projets de conservation, de manière à ce qu'on maximise maximise le bénéfice du réseau d'aires marines protégées et on minimise les conflits d'usage, c'est-à-dire ne pas faire superposer un projet d'aires marines protégées avec un projet, avec une pratique de la pêche, par exemple. Ça, on sait le faire. On a des processus, on a des logiciels qui nous permettent de faire ça et c'est un peu ce qu'on demande finalement, qu'il y ait une planification des usages dans l'ensemble de l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent de manière à ce qu'on atteigne nos objectifs de conservation, le 10% étant pour nous qu'une étape, je veux dire, c'est probable qu'il faudra protéger plus, et en même temps qu'on n'hypothèque pas effectivement le développement économique des régions. Mais il ne faut pas non plus oublier que les aires marines protégées sont des moteurs de développement économique aussi. C'est-à-dire qu'une aire marine protégée donne de très bons résultats en matière de conservation des milieux marins, donc ça permet d'améliorer les rendements de la pêche, ça permet de développer le tourisme, ça permet véritablement de créer une identité culturelle. Il n'y a qu'à voir aux îles, les gens dépendent de leur milieu marin, donc c'est aussi peut-être la protection de nos milieux naturels et nos milieux marins en particulier est certainement aussi un moyen d'investir dans le développement durable de nos sociétés. Puis on l'a vu plus tôt, d'autres pays l'ont fait comme l'Australie, donc j'imagine, bon c'est sûr qu'ils ont une grosse industrie touristique à préserver aussi en préservant leurs milieux marins, j'imagine qu'il y a une histoire de coraux, etc., de fonds marins à explorer, peut-être à visiter, je ne sais pas. Oui, mais si on regarde dans le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent, l'industrie de l'observation des mammifères marins, c'est l'endroit où elle est la plus riche, et donc ça veut dire qu'on a aussi une responsabilité en termes de maintien de cette activité économique là et donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Et les quelques études qui ont été faites là, on passe sur un autre domaine de la science qui est plus la science économique ou les sciences sociales, mais on montre que globalement quand on protège un territoire donné, ben on a également des bénéfices économiques. Et il y a une étude récente qui vient d'être publiée sur l'Écosse où on a montré que l'Écosse, en créant un réseau d'aires marines protégées, pouvait s'attendre à faire entre 10 et 20 milliards de bénéfices sur 20 ans. 10 et 16 milliards, pardon, sur 20 ans. Mais ça veut dire quasiment 1 milliard de dollars par an juste en créant, en sécurisant le fonctionnement des écosystèmes et en continuant à en tirer profit. Ouais, c'est vraiment des considérations intéressantes, surtout quand, des fois, on n'est pas sûr des retombées économiques de l'industrie minière. Parfois, on n'est pas toujours, c'est pas toujours certain. Alors, c'est quand on met tout ça dans la balance, effectivement, hein, je pense qu'il faut faire attention à nos aires protégées. Alors, merci beaucoup. Puis peut-être aussi d'autres pays ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Donc, l'Australie, l'Écosse. Pourquoi pas le Canada? Donc, on va espérer que le Canada, les gouvernements fédéraux et provinciaux vont continuer leurs efforts et pour la protection de ces milieux marins. Je pense qu'il faut qu'on continue aussi comme citoyens à leur demander de faire des efforts, parce qu'il y a certainement que comme ça qu'à un moment donné, ils se mettront autour de la table et ils diront il faut qu'on avance parce qu'il y a une véritable demande citoyenne de protéger nos milieux naturels. C'est vrai. Alors merci beaucoup M. Spaggiari de nous avoir présenté la situation. Et puis maintenant on fait une pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour on va descendre sous terre.